Vers 23 heures, je me trouvais dans une cellule de dégrisement du commissariat de la ville. Ah, la belle nuit de Noël! Les flics m'avaient embarqué manu militari après une bagarre dans la rue de la Soif. C'est le patron qui les avait appelés en urgence un peu avant la fermeture. J'avais picolé un chouïa, persuadé que c'était la bonne méthode de recherche, la seule façon de retrouver mon petit piaf. Il aurait apprécié le raisonnement. Eh oui, j'avais démarré mon enquête ici, dans ce bar à matelots, ce même bistrot miteux où il m'était apparu en carmen aux pieds nus dansant le flamenco sur une table étroite. J'en étais certain, l'histoire ne pouvait que se répéter. De même qu'elle alternait les séjours, de façon régulière, sans surprise, entre le sous-sol et le premier étage, de même, elle reviendrait ici, et soudain, elle m'apercevrait, me sauterait au cou, m'appellerait Monsieur Campagne ou peut-être Bruno, et nous irions en pénombre, à l'abri des regards, siroter du kirkassis en apéro, une seule tournée parce que c'était Noël, le réveillon nous attendait là-bas, au 6e étage, avec la bouteille qui fait des bulles. Quand je suis entré, le bar était presque vide. Le patron allait fermer, ça se voyait, pressé qu'il en était d'en finir avec sa journée, les chants et les cris de la clientèle. Il voulait participer au banquet lui aussi, comme tout le monde, gober des huîtres avec un muscadet sur lit, se goinfrer de saumon. J'ai reconnu tout de suite le seul client accoudé au comptoir et je crois que lui aussi m'a retapissé. C'est le gars qui avait invité à dîner Madame Roberts le soir du flamenco. Puis après, il s'était fait enfler de quelques biais. Lui que j'avais grillé dans la dernière ligne droite, à qui j'avais soulevé la demoiselle en douceur. Sûrement qu'une petite rancune allait pointer le bout de son nez, maintenant que nous étions l'un en face de l'autre, au même endroit, dans les mêmes conditions. Enfin, pas tout à fait les mêmes conditions. J'avais éclusé quelques demi avant de sortir, mais je tenais encore le cap. Le mec, lui, paraissait beaucoup plus atteint, les yeux vitreux, le verbe trébuchant, les coudes mal assurés aux zingues. J'ai vu tout de suite qu'il était en avance, la mule chargée à bloc. Il pourrait pas en supporter beaucoup plus. Quand même, je me suis méfié. Il pouvait avoir des ressources en planque sous le caban, le regain d'une vigueur assoupie. Mais j'avais toutes mes chances car dans ma jeunesse, je m'étais nourri au sirop de la rue qui évit ses coups tordus en matière de baston. Tu apprends dès le début que pour écouler un plus solide que toi, il faut taper vite, fort et le premier, parce que tu n'auras peut-être pas une deuxième chance. En préambule, on a bu deux tournées ensemble, chacun la sienne. Ensuite, il a commencé à me chicaner. Le motif était pas loin, pour être sur le bistrot un soir de Noël. C'était forcément que ma grosse s'était tirée avec un autre. Appelez grosse mon petit moineau qui pèse moins qu'une plume. J'ai rien répondu, mais apprécié moyen. Après, il a dit comme ça qu'elles étaient toutes pareilles. Allez, va, je connaissais la suite, c'était pas compliqué. Les gonzesses, elles sont toutes des salopes. Et ça non, je pouvais pas accepter. Mon petit moineau, c'est pas une salope. Il a rien vu venir, le con. J'ai pris ma chope en main par la poignée, les soulevé comme pour boire, et blanc, à coup sec, violent, pleine tempe. Le mec est tombé sur le cul sans pousser un cri. Il a dû rester ainsi plusieurs minutes. Le patron s'est mis en pétard, déjà qu'on lui avait gâché la soirée avec nos conneries. Fallait qu'on se tire, vite fait, sinon il appelait les flics. Au lieu de me calmer, la menace m'a foutu en rogne. J'allais lui donner une occasion de les appeler les flics à ce gros plouc et lui saccager le réveillon dans la foulée. J'ai saisi un tabouret, lui ai jeté à la gueule. Je l'ai manqué, mais pas la glace fixée derrière le comptoir. Il appelait les flics, comme promis. J'aurais eu 10 fois le temps de sortir, de m'esquiver avant l'arrivée de la cavalerie. C'est ce qu'a fait le costaud qui entre-temps s'était relevé. Le patron voulait le retenir pour le témoignage de sa bonne foi et de sa patience, mais le mec a rien voulu entendre. Il s'est trissé à toutes jambes, et pour un mec bourré, tout juste remis d'un chaos, j'ai trouvé qu'il ne manquait pas d'esprit d'à propos. Sans l'esprit d'à propos, les gambettes, un soir de cuite, c'est du légume. Donc moi, je suis resté, toujours très en colère, prêt à en découdre. Et quand le fourgon est arrivé, il n'y avait plus qu'à charger la bidoche. Tout au long du trajet qui mène au commissariat, j'ai gueulé ma colère et ma révolte, que c'était scandaleux d'arrêter un citoyen le soir du réveillon. Un troisième âge amputé du cœur, dont le seul crime était de s'être défendu contre les attaques d'un taulier aigri. Si on veut réveillonner en famille le soir de Noël, et je dis, on change de métier. Je parlais beaucoup de réveillon. Et bien sûr, ça ne plaisait pas aux uniformes qui allaient le passer, dans un peu moins de 2 heures, entre les murs sombres du bâtiment administratif. Avant de se taper la cloche, il devrait taper un rapport. Surveiller le bon déroulement d'une garde à vue, en l'occurrence la mienne, répondre aux appels, et cette perspective ne les réjouissait pas outre mesure. Il y a fort à parier qu'à cet instant, il regrettait aussi d'avoir emprunté une voie qui les privait du petit plaisir de becter la dinde en famille et sabrer quelques bouteilles en provenance de Reims. N'allait-il pas se soulager de leur frustration sur mes endos à coups de matraque et de chaussettes à clous? Comme le panier contournait la place du marché, il m'a semblé apercevoir Madame Roberts marchant d'un pas rapide, engoncée dans son manteau gris, le vieux manteau des premiers jours. J'aurais bien demandé au chauffeur de faire un petit arrêt, histoire de vérifier, mais aucune chance d'être entendu. Déjà que le métier y perturbe, si en plus on doit faire le taxi. D'ailleurs, nous arrivions. Pas une arrivée en fanfare, t'imagines. Les abords du bâtiment étaient déserts, la rue mal éclairée. Le panneau lumineux trouait la nuit, clignait de l'œil comme la lanterne d'un bordel avant Marthe Richard. Je connaissais l'endroit. Il y aurait guère de paperasse à remplir. Le patron du bar, pas fou, avait refusé de porter plainte. L'assurance paierait les dégâts. Un képi m'a débridé les menottes, un autre enfermé dans la cellule, une grande pièce rectangulaire, avec un bas flanc scellé au mur en guise de couchette. Dans un coin, un gros robinet perdait un peu de flotte au-dessus d'un trou qui devait servir de gogue. J'avais connu pareille saleté puante, celle des cellules du Petit Dépôt, à Paris, qui accueillait un large échantillonnage de la populace nocturne, aspirait et broyait tout ce monde, nuit après nuit, sans répit, du macro pommadé au clos d'orange poubelle, en passant par les rôdeurs de pissotières et les maniaques du couteau. Que ce monde pas bien beau, il laissait derrière lui des relents de vinasse, de merde, de rutabaga sur son lit d'oignon, des odeurs combattues au grésil, à gerber la colère. Je me suis allongé sur le bas-flanc, tourné contre le mur et j'ai piqué un somme. C'était pas du sommeil profond. J'entendais le bruit des conversations dans la pièce d'à côté, des rires aussi. J'en ai déduit que la flicaille ripaillait à sa façon, du plat tout prêt, passé au micro-ondes, et puis le reste, que tu peux manger sur le pouce, le foie gras du Périgord qui a fait un détour par l'Ukraine, le saumon de Norvège engraissé dans une piscine de Hollande, et aussi, bien sûr, du pinard millésimé, avec modération, hein, des fois que... De temps en temps, on venait vérifier derrière la vitre si j'étais toujours là, au complet. En temps normal, les accidents de garde à vue, comme le suicide, par exemple, c'est mal vécu. On se précipite, on essaie de freiner le désastre. Si c'est encore possible, ça crie, ça gesticule, marionnette. Et comment expliquer la bavure tout là-haut? Mais alors, un soir de réveillon, tu vois un peu, camarade, le dérangement que tu occasionnes au milieu des agapes. Ah, c'est du beau désordre. Ils m'ont offert quelques restes du banquet. On n'est pas des chiens. J'avais la dalle, j'ai rien refusé. Le verre de pinard pour accompagner, impossible. Pas un moyen de l'affurer. Celui qui avait du grade, un petit marrant sans doute, il m'a expliqué, pince sans rire, « Vous êtes en cellule de dégrisement, ici. Nous avons une méthode un peu spéciale pour dégriser. On ne donne pas d'alcool aux clients. » En Europe, je ne connais que deux commissariats qui appliquent cette méthode, un au Portugal et le nôtre. Mais si vous allez mieux dans une heure, on vous relâche. Vous me ramenez à la maison? Ai-je tenté. Nous n'irons pas jusque-là. Qu'est-ce que vous diriez d'une part de bûche? J'ai savouré ma part de bûche, elle était excellente. Ensuite, je suis rentré chez moi. Il était 6 heures du matin, le 25 décembre. L'immeuble finissait sa nuit. Mais dans le hall, dans l'ascenseur, devant la porte de M. Maréchal, j'entendais de longues phrases murmurées par mon petit moineau, des phrases venues d'ailleurs, de très loin. Elles disaient toutes que la vie sera belle, bientôt, oui, très belle, et que plus jamais nous ne serions séparés, mon amour, n'est-il pas? Mon premier geste fut d'ouvrir la porte de la chambre, constater que rien ne manquait, pas même le téléphone sur la table de nuit. Ensuite, je me mis sous la douche et je restai longtemps, fouetté par une eau brûlante qui me lava de ce réveillon catastrophique. Mes recherches ne m'avaient rien appris. Cependant, j'étais sûr d'une chose, Madame Roberts ne se cachait pas au commissariat. Autre certitude, aujourd'hui même, j'allais reprendre les recherches, lancer le cri d'alerte à tous les services, fouiller chaque recoin, écarter chaque buisson, soulever le petit carton. J'allais jeter au-dessus de la ville un filet si vaste, aux mailles si serrées, que mon petit monofigure n'avait aucune chance de passer à travers. Je demanderai l'aide de M. Maréchal. toujours prompt à dégainer l'entraide, celle de Momo, qui bénéficiait d'un réseau d'informateurs digne de la CIA. Et s'il le fallait, je demanderais à Madame Bron, spécialiste en contrefaçon, d'endosser le costume de Miss Marple, entre deux ou trois passages de serpillière. Timidement, avec méfiance, je me remis à l'écriture. Il n'était plus question de torturer un chien, cette fois. Je crois bien qu'elle n'aurait pas apprécié. J'effaçais tous les passages de violence avec les animaux et avec les humains, ne tolérais plus la moindre goutte de sang, et renvoyais Welbeck à sa plateforme. « C'est un bon début, me dis-je. J'aurais aussi voulu revoir mon style, peaufiner la syntaxe, torcher de belles phrases pleines de sujets, de verbes et de compléments circonstanciels, revisiter le passé simple, jongler avec les subjonctifs, mais pour ça il me manquait du matos dans le cartable. Comme disait Jacques, c'est l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Tant pis, je me consolerai avec des points-virgules. » Début avril, la grisaille et le froid étaient partis vers d'autres cieux. Les pies bavardes commençaient à nicher, les huissiers vautours à expulser. J'avais remué chaque centimètre carré de cette foutue ville, en vain. Madame Roberts demeurait invisible, pas le moindre signal, le moindre bruissement d'aile, un mystère total, plus épais que celui du masque de fer. Pourtant, je savais qu'elle était vivante. Il ne pouvait pas en être autrement. J'avais appelé tous les hôpitaux, toutes les gendarmeries de la région et même au-delà, en pure perte. Sans trop y croire, juste pour avoir le sentiment du travail bien fait, j'avais aussi contacté les autorités de Sainte-Lucie, sans plus de succès. Deux fois par mois, je me rendais au commissariat, ma cantine de Noël, où j'abreuvais les képis de questions, toujours les mêmes, tout orienté vers d'éventuelles recherches entreprises pour retrouver Madame Roberts. Mais les képis, ben, ils avaient été clairs là-dessus, il n'y aurait pas de recherche. La personne disparue était majeure. La famille n'avait pas déclaré sa disparition. Circulez, citoyens. Mais Zig, j'étais furieux, hein, vous pensez, j'aboyais. Et moi alors, je ne vous la déclare pas, sa disparition. Je ne fais que ça depuis 3 mois. Vous n'êtes pas de la famille, monsieur. Bah vrai, j'étais tout de même son père à l'hôpital, son fils pour Madame Bron. Il ne manquait plus que le Saint-Esprit à cette trinité. Outre une grosse colère qui s'amplifiait après chaque passage au commissariat, je ressentais la douloureuse solitude et la profonde impuissance que ressentent tous les pommiers de la terre quand ils sont confrontés à un mur. Et pourtant...